pour mes chats, que je me présente pour la vie, que je me présente pour le bien, et quand je me présente, jamais je me présente. Jamais j'oublierai les frères FRD qui font la fiesta avec la justice, joue au rodeo. C'est combo et la sauce, c'est Clint Eastwood. Au flingue, c'est dingue qui se représenteront comme la flamme au JO. Jamais j'oublierai les frères en carte grise qui m'ont permis de conduire. Quand certains clous ont voulu me crever, ces enfoirés qui ont foiré ne pouvaient pas me sentir. Non, jamais. J'oublierai Notre-Dame, la dame sans échec, madame la madre. La rose hors saison de mes rêves quand le fruit défendu était coincé aux épines du cauchemar devenant bouquet. Ses amis qui m'ont tendu la main, contrairement au foot, je n'attendais de moi. Non, rien en retour. Les frères des tours qui gardent la foi à Allah. J'ai dit la foi à Allah sans faire des détours. Miséricordieux, tant que croyant musulman, je sais de quoi je parle, demande pas pourquoi et comment. Faut que les Hitler mécréants, quand tu resteras fidèle, si tu sais qu'il existe un manipulant. Et tu le sais que jamais j'oublierai, pour tous mes gens, pour ceux qui m'ont aidé. En me donnant les clés des portes fermées, pour toutes ces feuilles qui étaient sur la boutique hip hop qui sont tombées. Que la vague du bonheur les a ramassées. C'est le Seigneur à l'endroit qu'ils donnent au maximum. Pour que dans mes concerts reviennent et crier, c'est maximum. Et dans ce millénium, j'oublierai pas de remercier ce grand homme qui m'a appris à rapper sous métronome. Jamais j'oublierai ma deuxième mère qui m'a appris ce que je sais dans ce bâtiment, entouré de miroirs. C'est parce que tout se ressemble que c'est réel, faut le croire. Le monde frère qui a été adopté, il me semblait qu'ensemble nous, vraiment l'assembler, des cas sans genoux. Ça veut dire qu'on supplie à personne à part Allah pour que la chance sourie aux grimaces autour de nous. Car tes coups de temps pour Adam sont remplacés mes battements de cœur désormais. Pour toi et les couches, vous êtes plein dormés. Pour cela, bien sûr, pour plus que vous dormiez. Vous savez, les gars, mon coin est projet, ma sueur pour faire pousser des trèfles à quatre feuilles autour de nous. C'est pour ces gars, ceux qui nous ont quittés trop tôt, ceux qui depuis le début ont toujours cru en nous. C'est pour ces gars, mes nouveaux filos que je reste au bord des licambules en prenant mes mecs d'en bas. Yo, c'est pour ces gars, que ma voix de fada fait sourire les gars, que la vie a fait baisser les bras, comprends. C'est pour eux, donc pour vous, que ce morceau est écrit avec un cœur qui bat, baba. Car c'est grâce à vous que le petit Saïd est devenu soprano, baba. Mec d'en bas, baba. Rime en cargo, pour ceux qu'on embarque, mec qui rêve de bago. Toi, Mario Lingo, toi qui roule en taco. Mes drago, blaco, Sean passe au brago. Car c'est père, je l'écoute, gringo. Rêveur de Merco, je le dis cash, sans être tango. Carlos Don Diego, à la bouche du mago. Vous mettez donc vous mettez des lingots. Avec Dice, on a monté ce putain de groupe en bois. Dice, des souvenirs tu trouveras nulle part ailleurs. Même avec Alain Chabat. Moi je me souviens, fallait mater la tête de Mr. Cash. Quand je le dis un dans le groupe, il en est resté bouche bée. Comme si le coiffeur lui avait dit qu'il avait raté sa coupe. Eh ouais, je me rappelle ce jour où Kylie m'avait donné le rôle du bruteur de la KDBB mania. Les bigles, boum, les stacks a fait de moi, même tu devais être comme Redman Funk phénoménal. Maintenant qu'on se fait les aveux, dis-moi qui a part Dieu pour que ça roule sans pneu, un clou à nos voeux, dis-moi. Y'avait Souli, Yamed, Kola, Sabine, leur aide, imagine les remercier pour tous, c'est moi. De travail intensif dans des temps bof, respect à staff, bon comme du roast beef, rose vide à Sylvie, Malherbe et toute son assoce. Et mes sauces, Cal Galère était nocif. Passage le 13ème, c'est. Yeah, ITP, mon GOP, respect, l'afro. Mais aussi à toutes nos pères. Yeah. À la salle, Stéphane, sans oublier, Chibako, Bako. On est dans le même sac. Yeah, 45, casquette, nouveau filo, mino. Pour ceux qui ont mis chirage au cage. Yeah, pour que les frères ne cessent de les flinguer à coups de péno. Pena, c'est Jamarie. Qui pour éviter les caries. Opte pour les yaourts nature. Créer y'a pas de mal qu'on se marie. Devenir liégeois dans ce Daktari. Wadon et racine de l'arbre de cette nature. Vous savez, grosse bise à tous ceux qui nous ont aidés. Doudou, Nordine, pas des pavons.